Le Parti communiste du Congo démocratique a publié le 25 avril une déclaration félicitant le 7e congrès du Parti travail de Corée, en soulignant qu'il a élu le président Kim Il-sung, grand soleil de l'humanité, comme son président d'honneur. Le Parti communiste du Congo démocratique y a exprimé sa certitude que le 7e congrès du Parti coréen présentera les nouvelles stratégies et tactiques qui impulseront davantage la révolution coréenne vers l'avenir radieux.